diffusion. Émission manifeste. Les radios vertes sont arrivées hier sur Paris, bravant la loi, ouvertement, puisqu'on leur avait refusé leur demande de dérogation au monopole. Elles sont arrivées par provocation, pour rompre les carcans de la non-communication, pour protester contre la mainmise sur la France du monopole d'État. Les émetteurs sont assemblés à partir de pièces détachées. Pour ensuite régler ces pièces détachées une fois qu'elles sont assemblées, il faut un certain nombre d'appareils comme un fréquence-mètre, un contrôleur universel, un oscilloscope qui nous permettent de savoir que les émetteurs sont propres, qu'ils ne bavent pas sur d'autres fréquences et qu'ils n'entraînent pas de gêne pour les autres usagers. Car ces autres usagers pourraient être facilement gênés, ce sont les ambulances, les avions, la police qu'il ne faut évidemment pas gêner pour pas donner de prétexte. Donc les émetteurs fonctionnent parfaitement bien, on en est certain à partir de ces mesures, et ces mesures peuvent être doublées à partir d'un autre système de mesures dans des laboratoires professionnels dont nous avons la complicité. Avec leurs émetteurs fourmis cachés dans des appartements, leurs émissions de courte durée très localisées, les radioécologistes comptent bien déjouer longtemps les services de détection du ministère de l'Intérieur et des PTT. Fort gênés, dit-on, par toute cette histoire. Vous a-t-on demandé d'être particulièrement vigilant en ce moment ? Je ne peux pas répondre particulièrement à cette question. La solution la plus simple consiste à acheter dans le commerce un émetteur modulation de fréquence auquel on rajoute un ampli qui vous permet de couvrir tout Paris en émission sans aucun problème. Monsieur Voisin, interviewé au Jardin des Plantes, est venu travailler lui-même son émission. Faire parler, faire participer, rompre l'isolement dans les villes. À Paris, dans chaque quartier, des groupes écologistes se sont créés. Ils veulent constituer une hydre à 1000 têtes, apparaissant tantôt là, tantôt ailleurs. Comment vous la voyez, la prostitution ? Vous êtes du quartier, non ? Je pense que ça va changer. Ce ne sera pas toujours les mêmes qui vont parler des mêmes. Et puis, je vais peut-être enfin savoir ce qui se passe dans cette ville, réellement. Je ne vois pas en quoi une radio de quartier peut apporter quoi que ce soit à quelqu'un qui habite Perpignan. Rien. Ça apporte aux gens du quartier. Dans le quartier, on sait comment ils vivent. Moi, je n'ai pas besoin de radio dans ma rue. Je vais qu'à ouvrir ma fenêtre tous les jours pour voir ce qui s'y passe. C'est pas la peine d'avoir une radio de quartier. Ça ne signifie rien. C'est complètement imbécile. C'est l'aberration démocratique, ça. Vous voyez, vous comprenez ? La force de vouloir de... Alors, tout le monde va parler. Or, malheureusement, parler, c'est un art. De quoi tirera-t-elle survenu ? Est-ce que ça sera les... Est-ce qu'il y aura de la réclame ? Vous avez d'autres questions ? Non, pour l'instant non. Je veux savoir si ça sera une radio écologiste ou on ne fera pas noyer de réclames et de lessives qui, elle, pollue. Ce que nous ne voulons pas, c'est qu'une dérogation au monopole permette au groupe Amaury, à M. Blochten-Blanchet, à tous ceux qui tapis dans l'ombre, n'attendent que ça pour se dire ça va nous permettre d'augmenter à la fois nos bénéfices et également nos moyens de puissance. Du côté de la majorité, les décrets d'application de la loi de 1972 doivent être soumis au Conseil d'État dans les semaines qui viennent. Le PC et le PS comptent aborder précisément le problème du monopole dans le programme commun réactualisé. On parle de radio verte et le gouvernement dit « Oh mais attention, attention, qu'est-ce qu'il veut faire? De la répression comme dans tous les domaines ?» Mais c'est pas comme ça qu'il réglera. La vraie solution, c'est un grand débat national sur la démocratie des ondes et des images dans le cadre du service public et d'une manière adjacente, la démocratie, de l'utilisation des nouvelles techniques et partout avec une dominante, le pluralisme, le pluralisme, le pluralisme. Tout est prêt techniquement pour que les émissions aient lieu. Les autorités peuvent évidemment décider ou bien de nous brouiller ou même de nous arrêter. Dans ces cas-là, nous ne faisons évidemment pas le poids, mais pour plein de raisons, il n'est pas sûr qu'ils le fassent. Voilà, j'ai mis exprès ce petit passage sur Radio Pirate mode d'emploi en 1977 pour faire le lien avec le micro ouvert qu'on va entendre. Ça me faisait penser à cette idée des médias, vous savez, les réseaux sociaux. On n'arrête pas de dire qu'on est au top là, de la communication, on sait s'envoyer des mails, on sait parler par Messenger, par WhatsApp, que sais-je, quoi, Instagram, enfin voilà, il y a plein. Et au fond, prendre le temps, vous voyez, de faire vraiment un média proche des gens, donner à entendre vraiment ce qu'une commune, ce qu'un quartier a à dire sur de comment il se sent vivre ou des projets qui se font. Il y aurait moyen d'inventer plein de choses nouvelles, quoi. Hein. C'est pas les moyens techniques, les outils qui manquent, quoi. C'est plutôt une volonté de mettre la chose, de mettre les choses en place, quoi. Voilà, j'avais juste envie de faire le lien, si jamais vous ne voyez pas le lien entre ce qui vient de passer, ces radios pirates là, et le micro ouvert qui suit, où on part dans un quartier à Kugelberg. Next door, my brain is giving way to fury. No more time for you to flee. Sometimes you gotta choose. Either you lose, either you move. But if you have already lost, there is a way which you stop. Voilà. Micro. Je commence toujours, ouvert. Mais j'en ai déjà fait des tonnes de reportages. Et chaque fois, je fais voilà. Alors, à la longue, quand même, je l'enlève. Hein. Bonjour. Bonjour. Mais vous dites ce que vous voulez. Ça veut dire si je vous posais une question dans genre, vous ne répondez pas. Enfin, vous êtes libre, hein, vraiment. Okay. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Geneviève Delaunoy. On se trouve à Jette? On se trouve à Kugelberg. À Kugelberg. Jette, c'est juste à côté? Jette est de l'autre côté de la basilique. À côté de Gansoren, donc voilà, c'était le nord-ouest de Bruxelles, comme on dit. Et donc moi, je viens jusqu'à vous, dans votre rue, et on va alors rencontrer votre collègue. Bon, ça se dit ça comme ça, collègue? Riverain, on s'est rencontrés fortuitement suite à l'affaire qui nous occupe ici. On ne se connaissait pas du tout. On habite le même quartier, mais sans s'être croisés d'aucune façon jusqu'à maintenant. Donc, voilà. Et qui a lancé l'idée ? Eh bien, en fait, l'idée est venue comme ça. On a reçu dans la boîte aux lettres le 20 janvier un petit tout de boîte de la STIB qui annonçait qu'il allait y avoir des travaux de rénovation de l'arrêt du tram 19, Jules Besme. Très prochainement, fin d'année 2021, et que en vue de ces travaux, il y avait un travail préparatoire qui allait consister à abattre 26 arbres du parc, et que les travaux d'abattage allaient avoir lieu 10 jours plus tard, dans la nuit du vendredi 29 janvier. Donc ça ne traîne pas, quoi? Ah, ça ne traîne pas. Ça... Quoi, 10 jours avant, vous recevez un petit avis à peine 10 jours. Je tombe des nues. parce que je n'ai jamais entendu parler de ce projet de rénovation du tram auparavant. Et quoi, ça veut dire que... De l'abattage des arbres. Mais quoi, quand vous dites vous tombez des nues, c'est que vous êtes impliqué dans le quartier ? Pas spécifiquement, mais j'habite ici depuis 10 ans et je me suis toujours tenue au courant via les publications de la commune ou les sites, les pages Facebook et autres. Je me tiens relativement au courant de ce qui se fait et de ce qui se décide. Et donc là, vraiment, surprise totale. Et 26 arbres, ça me choque. Mais ça vous fait quoi exactement quand on... Parce que là, il s'agit d'arbres, oui. C'est pas des humains, d'accord ? Non, bien ça sûr. Ça vous fait quoi exactement ? Vous pourriez essayer de décrire ? Ben, ça fait que c'est un peu la goutte d'eau, si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'il faut savoir que ça fait bientôt 3 ans que le parc Elisabeth, qui se trouve ici à côté, est dans un état absolument catastrophique, suite aux travaux de rénovation du tunnel bientôt ex-Léopold II. Ouais, par là. Ok, on tourne. Donc c'est un chantier à ciel ouvert, il est éventré de tous côtés, abîmé, détérioré. On nous dit qu'il sera remis en état après, bien sûr, mais bon, voilà, c'est désagréable à vivre. Et donc apprendre là, encore une fois, que d'un coup on va de nouveau abîmer le parc, bon... Pourquoi ? Parce que le parc, c'est important pour vous ? Parce que c'est le poumon vert des communes avoisinantes. C'est un endroit qu'on apprécie beaucoup. Nous, personnellement, en famille, on a toujours été... mes filles ont appris à marcher, à rouler à vélo dans ce parc. On est resté proche du parc dans le quartier parce qu'on l'apprécie. Donc voilà. Et donc, ça a été un peu le choc de se dire, quoi, 26 arbres, est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Surtout que ce ne sont pas des petits arbres, ce sont des beaux arbres qui ont probablement une centaine d'années. Et voilà, donc de là, j'ai posté sur une page Facebook de riverains de la commune une photo du petit flyer en disant « ma surprise ». Sacrilège, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes au courant, qu'est-ce qui se passe ? Et là, tous les gens très étonnés, mais non, quelle nouvelle, comment est-ce possible ? Et je me rends compte qu'en fait, tout le monde tombe des nues comme moi, personne n'est au courant. Et quelques-uns se choquent aussi et disent « mais il faut faire quelque chose, on ne peut pas laisser faire ça ». Attendez, là je me perds, parce que là ce sont des gens de la commune qui travaillent à la commune là. Non, des riverains qui voient, il y a une page Facebook, nous aimons Kuckelberg, okay. I like Kuckelberg, etc. Donc comme il y a pour tout, je suppose. Et voilà, et donc se créer un émoi collectif, on va dire, entre riverains. Il faut créer une pétition, me dit quelqu'un. Ah oui, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Mais pourquoi pas, hein, donc on va traverser là. Attention, le tram. Oui, il y a le tram là ? Oui, oui. Ah, ouais. Ah oui, mais il n'est pas là tout près. Okay. L'arrêt se trouve là-bas. Donc je tape sur Google « pétition en ligne » parce que je n'ai jamais fait ça de ma vie. Et je crée une pétition... sur change.org et bah, je commence à partager la pétition en question un peu partout sur les pages dont je parle, etc. Et voilà, et alors se met en place une espèce de dynamique parce que plusieurs riverains à droite à gauche se sentent concernés aussi, dont monsieur Scarella qu'on va rencontrer après. Et donc voilà, et alors on commence à faire du bruit, on commence à contacter les autorités communales qui nous disent « Ah mais non, vous savez, il s'agit d'un projet pour lequel il y a déjà eu un permis, tout a été fait dans les règles, c'est comme ça, on ne peut plus rien faire. » Enfin, comment est-ce possible, quoi ? Et donc nous, on se dit « Bonjour Pierre !» Bonjour Pierre dit, voilà. On est tout de suite chauffé, on démarre, déjà... raconte l'histoire. Et donc, on se dit, ben non, on n'accepte pas ça, on ne peut plus rien faire, comment c'est possible ? 26 arbres pour rénover deux petits arrêts de tram, ça paraît totalement disproportionné. Voilà. On parle donc à peu près de tous les arbres qui se trouvent ici de chaque côté, C'est pas des petits arbres. C'est pas des petits arbres, hein, donc. C'est dingue. Mais pourquoi enlever les arbres? Je comprends pas. Vraisemblablement par facilité pour réaliser le chantier. Moi, je ne vois pas d'autre explication, parce que même en parlant uniquement de ceux qui gênent, parce que la STIB dit oui, les arbres gênent le quai, même en parlant uniquement de ceux-là, on arrive à 10 arbres à la grosse louche, pas 26. Voilà, donc on... Ils gênent absolument pas les quais. La preuve en est que les quais existent et que les arbres existent. Donc ce qui veut bien dire qu'on a la possibilité de rallonger éventuellement, élargir les quais sans toucher aux arbres. Mais de toute façon, effectivement, comme tu le disais, c'est une solution de facilité. Ils sont allés au plus court, sans réfléchir et sans surtout protéger les arbres. C'est quand même une décision totalement inique par rapport à la défense de l'environnement, aux lois sur la défense de l'environnement et au fait que le parc est un site protégé. Vraiment ? Oui, absolument, c'est un site protégé depuis 2006, je crois. Et comment vous savez ça, vous, monsieur ? Je suis allé faire des recherches là-dessus. Du coup, on s'intéresse à la chose, quoi. Mais bien sûr, moi je suis un passionné de nature, donc voilà, et j'adore, moi j'habite en face le parc et j'adore ce parc. Donc voilà, il est hors de question qu'on pratique une incision, une balafre dans le parc. Et donc effectivement, on peut quand même préciser que c'est le collège précédent qui a pris la décision de ces travaux et de l'abattage. C'est ce qu'ils disent tous, non ? Non, mais c'est vrai. Le bourgmestre actuel est intervenu auprès de la ministre pour stopper les travaux. Voilà. Mais maintenant, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut interdire l'abattage. Parce que sinon, je veux dire, la cicatrice que l'on va avoir dans le parc, elle va être visible pendant 30, 50 ans, le temps que les petits arbres qu'ils vont mettre remontent à ce niveau. Tous les habitants de Kuckelberg auront la preuve que, effectivement, le collège actuel n'a pas tout fait pour interdire cette destruction. Voilà. J'avais posé la même chose à... Excusez-moi, mais moi... Comment ? Geneviève, Pierre, Geneviève. J'ai posé la question en démarrant de cette émission radio. Ça vous a fait quoi d'apprendre ? Mais essayez d'expliquer vraiment, d'apprendre ce projet en fait, parce qu'on touche à des arbres, c'est que des arbres. Oui. Moi, je fais toujours un petit peu, j'aime bien taquiner, parce que moi, la nature. Non, mais c'est vrai, ce sont que des arbres. Oui, absolument, c'est des êtres vivants, effectivement, comme vous et moi. C'est exactement, moi je place exactement au même niveau les arbres et les humains. Sauf que les humains sont capables de détruire les arbres, alors que le contraire n'est pas valable. Donc, on doit respecter toute forme de vie. En plus du fait que, et c'est absolument primordial, le respect de la nature, c'est aussi notre préservation dont il est question. C'est-à-dire que si on ne respecte pas la nature, nous allons disparaître. Et déjà, donc, on a tellement bousillé la nature que, voilà, on en subit maintenant les conséquences et que, voilà, on est vers notre autodestruction. Donc, c'est totalement stupide. Voilà. J'avais plusieurs questions. Maintenant, elles se bousculent dans ma tête et hop, c'est parti. Mais, par exemple, la commune... C'est quoi les arguments ? Parce que, voilà, c'est ça que je voulais dire. Excusez-moi, mais... avec le climat, la température, on entend, on le vit, plusieurs étés, c'est canicule. Moi, je suis déjà venue en ville, je me sens mal. Hein, parce que j'ai la chance d'habiter à l'extérieur, moi, mais quand je viens, waouh, c'est pas possible de respirer, vraiment. Ouais. Paraît-il, les arbres, c'est fondamental, en fait, pour respirer. Et comment ça se fait que la commune n'a pas conscience de ça ? Parce que, allez, moi, je pensais que ça y est, on s'est rentré dans les consciences, quoi. La nature, les arbres, il faut... consulter sur la chose, en fait. C'est la STIB qui a décidé ça. Qui a décidé que les travaux ? Chantier, oui, la STIB a décidé ça au niveau de la région. Et la commune n'a fait que donner un avis consultatif, en fait. Oui, mais c'est ce qui vous... a donné. Le parc est situé au niveau régional. Le parc n'appartient pas à la commune, c'est un peu ça aussi le souci. Et donc, l'ancien collège a donné un avis favorable, sans plus, et après, ils se dédouanent. Mais c'est toujours ça le problème, c'est que, pour finir, c'est pas moi, c'est eux. En fait, c'est quand même des gens qui gèrent la commune, quoi, avec les gens dessus, avec des espaces verts, voilà, vous dites ? Il y a des écolos dans les conseillers à la commune, donc on trouve ça en plus un petit peu... On ne les entend pas beaucoup, en fin de compte. Hein. On n'a pas du tout, effectivement, eu d'observation de la part des écologistes de la commune. C'est dommage, c'est vraiment triste, mais c'est un permis qui a été délivré il y a 3 ans. On ne peut plus rien faire. Combien de fois on ne nous l'a pas dit ? On ne peut plus rien faire. Et on a dit non, on n'est pas d'accord. Et ben, même si on ne peut plus rien faire jusqu'au bout, on va dire qu'on n'est pas d'accord. Ben oui, enfin... Lundi soir, il y a eu conseil communal. Lundi, il y a une semaine ? Lundi, il y a 10 jours. Et ils ont répété encore une fois, on est désolé, on change de sujet parce que c'est comme ça et pas autrement. Et 24 heures après, coup de théâtre, le bourgmestre s'est entendu avec la ministre de la Mobilité, l'abattage est suspendu et on va renégocier la chose. Ah, on ne peut plus rien faire ? Mais c'est ça. Entre-temps, il y a eu une pétition, il y a eu plus de 900 signatures, etc. On est à 970 aujourd'hui. Voilà. Quoi, une pétition que tu... Voilà, que oui. J'ai lancée moi sous l'impulsion d'autres qui m'ont dit, voilà, en l'occurrence un monsieur que je connais qui m'a dit, moi je suis au travail, il est prof, je suis au travail, je ne peux pas m'en occuper, est-ce que tu peux le faire ? Bon, ben oui, je me suis jetée dans le bain, je n'avais jamais fait ça, mais voilà, ça a pris, on a partagé, on en a parlé, et ça semble avoir touché... pas mal de gens, quoi, puisqu'il y a quand même près de 1000 personnes qui l'ont signé depuis. Et quoi, dans la vraie vie, vous vous rencontrez comme vous avec Pierre, ou bien il n'y a pas vraiment... On s'est rencontrés à l'occasion de cet événement, voilà, où on était tous les deux extrêmement motivés par le fait de s'opposer à cet abattage. Oui, mais vous êtes rencontrés via... parce que... virtuellement sur Facebook. Et aujourd'hui, alors ? Non, on s'est vu déjà la semaine dernière, voilà. Ici aussi. Mais quoi, avec d'autres ? Non, juste nous deux. Mais bon, pour faire connaissance physiquement, pour se découvrir et puis discuter un petit peu, voilà, de nos motivations, etc. Et donc, voilà, c'est la deuxième fois qu'on se voit en vrai, si j'ose dire. On a dû se croiser déjà, hein, de multiples fois, puisque moi, je traverse ce parc 4 ou 5 fois par semaine avec mes enfants. Donc, voilà, c'est... on a dû se croiser déjà depuis des années qu'on habite ici, mais sans se connaître, quoi. Donc, J'essaye de bien comprendre la situation, mais alors du coup, le projet STIB, c'est quoi exactement ce projet STIB ? Ça, j'ai pas complètement compris. C'est quoi en fait ? C'est quoi le projet ? C'est le réaménagement complet des arrêts de tram Besme, donc les deux quais qui se situent ici. Et ils ont l'air... enfin, moi, je vais regarder un peu pour voir. Hein, j'essaye d'être... parfait, il y a rien de... c'est très nickel. Hein. C'est la mise aux normes principalement pour les personnes à mobilité réduite. Donc là, a priori, les quais ne sont pas aux normes qui sont actuelles à ce niveau-là et ils veulent les réaménager conformément à ces normes. Mais dans quel monde on est, quoi ? En plus, on aimerait beaucoup avoir les plans précis pour pouvoir juger, parce qu'on a eu des plans, mais qui sont en vue en plan, justement, en vertical, et on ne voit pas très bien, effectivement, comment ça se fait. Mais quand on regarde les passages, bon, il n'y aurait que des... modifications extrêmement minimes à opérer pour que, effectivement, la mobilité réduite puisse, les gens de mobilité réduite puissent passer. De toute façon, ils peuvent passer, hein, il ne faut pas rigoler. Il y a une petite margelle de, allez, 3 cm là. Je veux dire, moi j'ai des amis qui sont en fauteuil roulant, et à 3 cm, ça ne leur fait pas peur. Hein. Donc, ce n'est pas un problème. Mais il y a un problème aussi fondamental, c'est qu'on dit, tiens, il faut sécuriser. Le passage pour tout le monde, etc. Mais à force de sécuriser, on infantilise totalement les gens et on les déresponsabilise. Parce que si on part de ce principe, on va aller directement vers une sécurisation de toutes les routes de Belgique. Parce que sur les routes de Belgique, il y a aussi des accidents de piétons. Alors donc, il faut mettre des barrières sur toutes les routes de Belgique. C'est la logique d'après leur logique. C'est stupide. Non mais vous connaissez la raison du pourquoi ils font tout ça. Allez-y. Ben non, mais une idée, moi j'ai des idées comme ça, instinctivement. Ça doit avoir à faire avec l'économie et l'argent et le budget. Ben moi, je me dis ça parce que c'est vraiment des prétextes pour faire tourner l'argent, pour investir. Ah, vous imaginez s'ils doivent investir tous les endroits dans Bruxelles pour les gens à mobilité réduite. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire, les gens à mobilité réduite? Quand vous dites ça, vous dites, ben oui, on a envie évidemment d'aider les gens à mobilité réduite. Vous voyez, c'est des drôles d'idées, quoi. C'est un document un peu putassier dans l'ensemble. Ouais. La station de métro Simonis, qui est parfaitement aux normes, se trouve à moins de quoi, 200 mètres, oui. 150 mètres, ouais. À tout casser. Mais qu'est-ce que tu veux dire quand avec tu dis ça? Avec des ascenseurs, avec tout ce qu'il faut pour pouvoir... Donc ils ont déjà investi là-bas, quoi. Ah, oui, c'est au bout du parc, là, à 100 mètres, pour descendre dans le métro et dans le tram. Donc, voilà, il faut arrêter un peu les stupidités, quoi. Vraiment, cet arrêt, voilà, c'est pas l'arrêt le plus fréquenté de toute la ligne de tram. Simonis, c'est juste là. Celui de Bossart-Basilic est bien plus fréquenté. Donc, voilà, ce sont des excuses, entre guillemets. Alors, sur le site de la STIB, ils ont mis, c'est très drôle d'ailleurs, qu'il y a plus de 1000 personnes qui empruntent le quai ici chaque jour. Je voudrais bien qu'on me montre un décompte effectif parce que ça me paraît vraiment énorme. Et que donc régulièrement, à cause de l'infrastructure déficiente des quais, il y a des élèves des écoles avoisinantes qui se retrouvent sur les rails du tram. Sur les rails du tram, qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que les quais débordent tellement, vraisemblablement à cause des arbres qui gênent, que les enfants tombent sur les rails. Vraisemblablement, c'est ça l'excuse. Et que donc, oui, vous voyez vraiment, au niveau de la sécurité, ça ne va pas du tout. C'est une excuse complètement fallacieuse. Complètement. Ouais, il faut bien justifier ça. Ils doivent bien justifier ça. Non, mais ce que vous disiez, effectivement, il y a une débauche de travaux à Bruxelles qui est complètement aberrante. On démarre des tas de travaux en même temps. Et puis, moi, je le constate, rien que dans le parc, des travaux qui sont à l'abandon pendant des semaines. Personne ne travaille. Voilà. Donc, confinement, là, non? Non, avant le confinement? Oui, mais ça, le confinement, il a bon dos pour un tas de choses. Hein. Il faut arrêter. Donc, il y a des gens qui y travaillent, de toute façon, mais ils travaillent par intermittence. Donc, s'ils travaillaient en permanence, à la limite, je veux dire, comme en Chine, ils montent un hôpital en 10 jours. Hein, ici, en 10 jours, on bouge 3 pelles. Voilà, c'est tout. Exemple donc... que vous prenez. C'est chaud, là. Oui, d'accord. La Chine n'est pas obligatoire. Un très bon exemple, mais je veux dire, au niveau de l'efficacité, ils sont capables de faire des choses. Donc voilà, on peut optimiser le travail. Et or ça n'est absolument pas le cas. Et le nombre de nuisances que l'on a à Bruxelles à cause des travaux qui sont lancés en dépit du bon sens, moi je suis sidéré, quoi. C'est incroyable. Et où ça en est alors, cette histoire? Alors, on a des arbres qui vont être... Jusqu'à voilà. Quand? Et on espère fort. On ne sait pas justement, on n'a pas d'infos, hein, parce qu'il doit y avoir une réunion. Il devrait avoir. Ce qui a été annoncé, c'est que c'était suspendu le temps d'une nouvelle réunion de concertation entre la ministre de la Mobilité et les autorités communales. Mais on n'a aucune info. Quand, comment, où, qui, on ne sait pas. On ne sait rien. Il n'y a pas moyen d'avoir des enfants? J'attends des infos, parce que je connais quelqu'un qui est conseiller communal dans l'opposition et qui m'a dit « je te tiens au courant, bien entendu, dès que je sais ce qu'il en est ». Ils ont déposé une motion, je pense, pour ralentir et demander à ce que les citoyens soient impliqués, que ce soit discuté seulement au prochain conseil communal, donc on gagnerait jusqu'à la fin du mois de février. Mais pour l'instant, on n'a pas plus de nouvelles. C'est un gros problème de la commune, c'est la communication. Je veux dire, le nombre de fois où on envoie des emails ou autres à la commune et on n'a pas de réponse. C'est vrai? Et je ne suis pas le seul, hein. J'ai entendu des tas de gens qui se plaignaient, même au sein du conseil communal, quoi. Donc c'est quand même assez grave. Voilà, non, il faut... Et puis alors, très très important... On aimerait beaucoup qu'il y ait des représentants des habitants lors de cette discussion. Et là, on n'a aucune certitude de ce côté-là. Je veux dire, on est quand même... C'est nous qui avons élu ces personnes et ces personnes font ce qu'elles veulent. Donc, je veux dire, c'est quand même terrible. Il sent à foutre à la poubelle. C'est terrible, monsieur. Mais vraiment. Hein. Non, mais on le dit en rigolant, mais je le pense profondément. C'est parce que je n'ai pas la dramaturgie qui va avec. Hein, mais je trouve que c'est terrible. Quoi. Qu'est-ce qu'il y a moyen de faire contre ça? En plus de les avoir élus, ils vivent avec les subsides de nos impôts. Donc, c'est nous qui les faisons vivre. Et ces mecs-là, et ces gens-là, parce que hommes et femmes, bien évidemment, ne tiennent aucun compte de ce que l'on dit. Quoi. C'est aberrant. Il faut totalement renverser tout le système. Mais on va être un peu plus nuancé. Oui, je ne suis pas nuancé, c'est vrai. Non. Mais c'est systématique, ils sont tous pas bons à la commune. Non, bien sûr que non. Il y a des gens qui sont plus réfléchis, qui sont dans la réflexion, la critique, l'autocritique. Donc voilà, bien sûr, mais la majorité fait que le résultat, il est négatif, quoi. Le résultat, il est que il y a pas d'échange avec les gens de la rue, quoi. C'est ça que vous êtes occupé à dire. Oui, absolument. Qu'est-ce qu'il y a moyen de faire contre ça? Parce que quand même, vous, quelque part, votre histoire, elle est assez chouette parce que vous vous rassemblez pour des arbres. Vous voyez en vrai. Il y a peut-être des gens qui vont aussi... Vous voyez ce que je veux dire? Et de se dire, au fond, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour... J'avais prévu, si dans le pire des cas, l'abattage se fait, le jour de l'abattage, moi, on va essayer de rassembler un maximum de gens pour être là, présents et pacifiquement, mais... montrer que l'on n'est absolument pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. Et puis, on va faire des photos avant et après, et je vous garantis que ces photos vont circuler partout dans les réseaux sociaux. Hein. Et puis, cette cicatrice, elle va rester 30, 40, 50 ans. Hein. Et je veux dire, ça sera la marque du collège actuel. Ben quoi, vous parlez comme si c'était fait déjà. Il faut essayer que ça se fasse pas. Non, mais il faut tout prévoir, il faut essayer de tout prévoir. Et moi, je suis scénariste et écrivain. Donc, j'ai l'habitude d'écrire et de prévoir absolument tous les cas de figure pour arriver à une histoire qui fonctionne. Okay, mais ça, c'est déjà l'après, mais maintenant, là. Donc, vous attendez. Les arbres sont un peu en stand-by, vous ne savez pas jusqu'à quand. Oui. Et c'est quoi la suite? Vous n'avez pas envie d'aller rencontrer la ministre? Ah oui, moi j'aimerais bien, mais cette réunion de concertation serait le moment idéal, je trouve, pour le faire. Donc la rencontrer juste moi et elle, ça va être compliqué, je pense, parce que son agenda doit être chargé. Mais mais des fois il faut pas. Des fois il faut. Ouais. Ça c'est une terrible nuisance aussi. J'en ai fait part à la commune. Il est clair que les ambulances, les pompiers doivent mettre la sirène quand il y a une possibilité, une impossibilité de passer. Mais quand à 3h du matin, ils mettent la sirène en permanence, non, c'est inadmissible. Et alors le pire, c'est les fourgons d'argent qui sont précédés d'une voiture de police. Il y en a plein. Si. Et comment ça se fait ça? Parce que pourquoi Charles Quint à fond la caisse et puis sirène hurlante, on écrase les enfants sur les passages pour piétons, l'argent passe devant tout quoi. Voilà. Ça c'est terrible. Tous les matins quand je vais à l'école avec mes filles, on a un fourgon à éviter. Garez-vous, ils arrivent. Et donc après ils descendent soit par là, soit par ici, toujours avec. C'est le signe de notre société qui privilégie avant tout l'argent et voilà. C'est dramatique. Ouais. Voilà. Oui, c'est un peu la conclusion, là, ouais, ça donnerait un peu ça, l'argent. Mais ça, c'est étonnant quand même de couper les arbres avec le changement climatique, quoi. Je sais pas comment vous avez vécu, vous, les dernières années, en été, ça a l'air, à moins que vous aviez l'occasion de partir à ce moment-là. Partir en vacances, je veux dire. Ou... très mal la chaleur, et j'avoue qu'effectivement, depuis 4-5 ans, il y a des périodes, là, pendant l'été, ça devient vraiment très, très difficile. Je suppose que vous venez un peu ici, du coup, non? Oui, on essaye, oui, ou on sort un peu de Bruxelles. Il y a le jardin botanique à Meix, ce qui est très bien pour ça, parce qu'on est juste en dehors de Bruxelles. Il y a beaucoup d'arbres aussi, donc ça fait une respiration, mais c'est vrai que les nuits particulièrement, c'est absolument irrespirable, quoi. Donc on a l'impression d'être sous une chape... De plomb à 40 degrés, là, c'est... Voilà, donc, il y avait un témoignage, d'ailleurs, sur la pétition, une dame néerlandophone qui avait signé et qui disait, pourquoi couper ces arbres. Elle s'est retrouvée vraisemblablement l'été dernier coincée dans un bus de Lane à l'arrêt qui est ici derrière. Il y a eu une panne ou quelque chose et ils ont tous pu s'abriter sous les arbres à l'abri de la chaleur. Et elle disait, je ne comprends pas pourquoi dire qu'on va les couper. Ils nous ont offert un abri une après-midi où il faisait si chaud. On a été tous soulagés de pouvoir se mettre à l'ombre en attendant que le bus puisse repartir, quoi. Donc, oui, voilà, puis, c'est... Et puis, ils nous fabriquent de l'oxygène tous les jours. Et ils consomment du carbone, du gaz carbonique. Donc, voilà, c'est une question de survie. Avant tout, on doit absolument préserver la nature, quels que soient les moyens que l'on emploie. Et vous, c'est vos arguments en face de la commune, de la STIB, c'est ça que vous dites, quoi. Vous dites quoi exactement? C'est quoi les arguments que vous mettez en avant? Parce qu'à part dire il faut protéger la nature... Vous voyez, qu'est-ce que vous... Il y a un moyen de trouver un compromis plus acceptable entre, ok, oui, il faut rénover des quais, il faut les mettre aux normes, la sécurité, ceci. Il y a un compromis possible entre ça et abattre 26 arbres qui n'ont rien demandé, qui étaient là avant. Hein, jusqu'à maintenant, tout le monde s'est toujours adapté. Pourquoi aujourd'hui, il faudrait tout raser pour... J'entends bien, mais... l'adaptation du quai au parc qui est autour. Mais vous défendez comment ces arbres? Le fait de dire, ok, c'est là depuis plein d'années, il n'y a pas besoin d'y toucher, c'est ça votre argument? Oui, je n'ai pas... On discute ensemble, moi je... Surtout, il y a, comme tu disais, il y a un autre moyen, encore faut-il le chercher. Et que, voilà, les quais existent avec les arbres depuis des années. On peut améliorer les quais, je ne sais pas, enlever le pavage, le refaire, élargir, etc. Mais on peut empiéter sur le chemin là, sur lequel on est actuellement, et sans modifier quoi que ce soit au niveau de l'implantation des arbres. Donc voilà, réfléchissons et trouvons une solution. Voilà, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec le projet de la commune, quoi. Donc vous, on doit vous entendre, quoi. Voilà. Y a 970 personnes actuellement qui sont totalement opposées. Et, de Kuckelberg. Oui, de Kuckelberg uniquement. Ouais. Pas complètement, sûrement, mais. Pas uniquement, parce que la pétition, par la magie d'Internet, a circulé très loin, même à l'autre bout de la Terre. Donc, Je pense que c'est pour ça que je suis là. Hein. Oui. Ça a circulé, quoi. Voilà. Oui, c'est formidable, merci. Mais ça marche, quoi, quand même. On n'arrête pas de. Vous savez, de souligner, et là on fait une petite parenthèse, que Facebook, c'est vraiment pas bien. Oui, après, c'est. Mark Zuckerberg qui fait un gros business avec nos données, c'est sûr, mais ça crée aussi une dynamique à l'horizontale, vous voyez, franchement. Un contre-pouvoir, effectivement, parce qu'on peut utiliser Facebook pour critiquer Zuckerberg, par exemple, et le fonctionnement de Facebook. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ne s'en privent pas. Donc, effectivement, les médias sont quelque chose d'extraordinairement intéressant, dans la mesure où on les utilise correctement, quoi. Enfin, correctement, au mieux, voilà. Non, mais disons, si on rentre dans le sujet, il faudrait utiliser autre chose d'office, parce que toutes nos données, ça en fait un business, vous voyez. Ah oui. Je veux dire, c'est vraiment pas l'endroit idéal, mais quelque part dans ce bazar qui ne fonctionne pas bien, pour nous, citoyens, pour nous, vous voyez, on arrive quand même, je sais pas si c'est du contre-pouvoir, mais on arrive quand même à créer des choses à l'horizontale, quoi. Oui, voilà, c'est pas en pyramide, vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est ça que j'aime bien. Il faut en finir avec le système pyramidal du pouvoir. Et si on se réfère à la définition réelle de anarchie, c'est l'ordre sans le pouvoir. Et donc c'est un système horizontal de décision, c'est-à-dire qu'on remet effectivement les décisions dans les mains du peuple et non pas dans les mains de quelques oligarques qui décident de tout suivant leur envie, quoi. Mais quoi, du coup, vous allez au conseil communal en tant que citoyen de Kuckelberg? Oui, absolument. Racontez-nous un peu. On ne peut rien dire parce que le conseil communal, de toute façon, il faut faire une question. C'est une fois par semaine? Non, une fois par mois. Et il faut déposer une question un mois à l'avance et on peut espérer avoir une réponse si la question est choisie. Mais de toute façon, pendant le conseil communal, on n'est que spectateur, on a le droit de rien dire. Donc c'est quand même assez cool, quoi, dans l'ensemble. Oui, mais après, vous pouvez encore le diffuser sur le réseau. Oui. Enfin, voilà, après, il y a encore moyen de trouver une manière pour... Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, on peut diffuser ce que l'on a entendu, réécrire ce que l'on a entendu. Mais on ne peut, par exemple, pas filmer le conseil. Alors que ça serait très intéressant pour tous les habitants de la commune d'avoir une visioconférence, enfin une vision audiovisuelle du conseil communal pour voir concrètement ce qui s'est passé. Parce que là, actuellement, par exemple, au dernier conseil communal, il y avait un maximum, je crois, ils avaient autorisation de prendre 10 personnes. 10 personnes des gens extérieur, qui habitent à Kuckelberg. 10 habitants. Voilà, 10 habitants pouvaient... Bon, on était deux. Voilà, mais bon... Oui, mais c'est peut-être ça aussi, pour finir, c'est que les gens, de plus en plus, se désinvestissent, critiquent, voyez, ne croient plus à ce politique, et franchement, on comprend. Yes. Mais du coup, vous voyez, on est entre deux, comme ça, où des fois, on est touché pour les arbres, on est touché pour quelque chose et en fait, ça fait plein de temps ou ça fait plein de fois qu'on ne se bouge pas plus que ça pour d'autres sujets, par exemple. Vous voyez ? Oui, il faut effectivement réapprendre aux gens à s'investir. Effectivement, et tout passe par l'éducation. Et le fondamental pour l'avenir, c'est l'éducation des gosses. C'est effectivement eux. Parce qu'on parle de l'avenir, mais l'avenir, c'est eux. Nous, on est foutus, on est les anciens déjà. Donc voilà, il faut vraiment donner aux enfants les armes pour pouvoir bien faire fonctionner leur monde, le monde qui va arriver. Vous avez des enfants ? Non. Excellent. Et vous, oui ? Oui, moi j'ai deux filles, oui. Ça vous raconte quoi, ce qu'on vient de... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'on est là... touché pour un sujet, au fond... C'est le monde qu'on va leur laisser, quoi. Bon, je ne me considère pas encore comme une ancienne, mais enfin, c'est vrai que, voilà, je... Non, mais moi, je ne parlais pas spécialement des enfants, là, mais plutôt de notre implication, nous, oui, en oui, tant... mais je fais une critique montrer, aussi pour moi, hein. Leur montrer que c'est pas parce qu'on vous dit « c'est foutu, laisse tomber, on ne peut plus rien faire » qu'il faut forcément tout accepter, quoi. Mes filles ont été très étonnées de voir qu'avec une simple pétition en ligne, on a pu faire arrêter ce projet, alors que tout le monde nous a répondu pendant 10 jours, laissez tomber, on ne peut plus rien faire, c'est comme ça. Voilà. C'est ça, on est un peu dans quelque chose de défaitiste, hein, non ? Fataliste, défaitiste quand même. Hein. Cette phrase que l'on a entendue tous les deux à maintes reprises, elle est totalement inadmissible. Voilà. On peut toujours faire quelque chose. Moi, je veux dire, on ne peut rien faire, je ne veux plus jamais l'entendre, quoi, de la part du... Mais bon, je sais très bien que je vais le réentendre, mais chaque fois, j'irai à l'encontre de cette phrase à la con. La preuve, c'est que, vraisemblablement... ne fût-ce qu'avec une pétition en ligne et quelques interviews dans les médias, si, il y avait moyen de faire quelque chose. En tout cas, quelqu'un, quelque part, s'est dit « Ah, ben, tout compte fait, on va peut-être réfléchir et voir, parce qu'il y aura peut-être des conséquences, hein, bon, au niveau politique, qui sont aussi à se dire « Attention, hein, notre bilan, ceci, les prochaines élections, cela. » Ben oui, voilà, c'est petit, mais c'est le jeu, donc... Je ne sais pas qui du bourgmestre ou de la ministre a dit « Stop, on s'arrête 2 minutes », mais quelqu'un a réagi finalement. Donc, la preuve que ça avait une utilité de s'accrocher et de continuer à faire du bruit autour de cette histoire, quoi. Et la prochaine étape, c'est quelle mobilisation vous allez mettre en place ? C'est une blague, hein. Non. C'est une blague, mais c'est... Déjà, il faut avoir déjà une réponse aux questions que l'on a posées pour pouvoir réagir à ces questions. Pour le moment, on est dans le flou artistique total, quoi. Oui, donc, non, mais moi, je disais, ça, c'est le projet des arbres, hein. Faut pas y toucher, ça, c'est. Ouais. Mais une fois que ce sera gagné, imaginons que c'est gagné. Oui. Vous allez mettre, c'est quoi votre prochain combat ? Ce serait quoi, par exemple ? J'ai déjà fait une pétition par rapport aux sirènes qui sont extrêmement violentes, par exemple, et qui, vis-à-vis des personnes âgées et des enfants peut causer des lésions irrémédiables au niveau de l'oreille interne. Parce que quand on passe avec une ambulance qui est à pratiquement 110 décibels, je vous garantis que c'est violentissime. Il faut user avec parcimonie des sirènes. Voilà. Ok, mais un truc, et vous par exemple, ce serait quoi ? Je dis ça parce qu'on est dans un monde où vous voyez, il y a plein de choses qui vont... Comme je vous disais, j'ai réagi de façon très épidermique là-dessus. J'avais jamais fait ce genre de choses avant. Donc, je ne sais pas, je ne me vois pas spécialement devenir une activiste pour autant. peut-être mais effectivement m'intéresser un petit peu plus du coup à ce qui se discute dans le conseil communal et m'investir un peu plus dans la vie de mon quartier. Ça peut être un... C'est ça que ça vous fait... Comme réflexion ? Oui. Comme m'a répondu une dame, il y a eu des campagnes d'affichage avec le permis d'urbanisme. Sous-entendu, si tu t'étais tenu mieux informé, tu l'aurais su. Ouais. Vraisemblablement, comme personne n'était au courant, ça n'a pas dû être diffusé de façon appropriée à l'époque. Mais voilà, donc je me dis peut-être effectivement être un peu plus attentive alors... Et donner mon grain de sel un peu plus tôt et pas attendre d'être mis devant le fait accompli pour réagir. C'est l'exemple de notre implication pour impliquer d'autres personnes. Parce que c'est vraiment important, effectivement, qu'il y ait un maximum de gens et de plus en plus de gens qui s'impliquent dans la vie de la commune. Et nous, on est réellement impliqués. On a envie d'être dans une chouette commune qui fonctionne bien, qui est humaine, qui est agréable à vivre. Donc, Quand vous dites réellement impliqué, si je comprends bien, sinon la conversation, elle est compliquée. C'est que vous vous êtes impliqué pour les arbres. Non. Vous, avant ? Ah oui, bien sûr. Moi, j'ai déjà fait 17 propositions à la commune pour améliorer un tas de choses. Quoi, par exemple ? Parce qu'à part les ambulances, je comprends. Alors, les ambulances, au niveau des... attendez que je me rappelle, parce que j'ai fait cette demande, il y a 2 ans. Je n'ai jamais eu de réponse. C'est quoi la demande ? Alors, c'était un listing de 4 pages avec les 17 questions que je posais, ou les 17 propositions. Par exemple, au niveau informatique, il est évident que la commune a un très gros problème de communication. Je dis, mais pourquoi vous n'emploieriez pas des jeunes qui sont totalement impliqués dans la communication et l'utilisation des médias? Alors ils vont me dire, ah oui, mais ça coûte de l'argent. Non, il y a des écoles de communication qui font faire des stages à leurs élèves en dernière année. Eh bien, ils viennent faire un stage à la commune, ça ne coûte rien à la commune, et pendant ce temps, on booste la communication de la commune. Voilà, c'est un autre exemple, mais je ne sais plus encore ce qu'il y avait. Enfin bon, c'est intéressant, mais sur les 17 propositions, vous en retenez n'est qu'une, c'est quand même dingue, ça. Non, mais parce que je suis en train d'écrire un roman, j'ai la tête ailleurs, quoi. Donc voilà, et puis ça date d'il y a 2 ans quand même. Je les ai relancés, je sais pas, une dizaine de fois, et différentes personnes à la commune. Hein. Vous n'avez pas eu envie de bouger, vous, physiquement, et d'aller rencontrer des gens? Des fois, c'est... Je vous connais très bien. Le bourgmestre, le premier échevin, c'est des gens que je connais très très bien. Voilà, mais je suis ils pas... Ils n'ont pas l'air de vous répondre, en tout cas. Non, absolument pas. Non. Franchement, je ne sais pas mes affaires. Hein, mais attendez, monsieur, j'allais dire. Ni à Gansoren, ni à Berkem. Aucun. Vous demandez des choses, on vous écoute, on fait oui. Bon, en définition, c'est pour rien. Non, mais vraiment ? Franchement, oui. C'est hallucinant parce qu'on est ici, on ne se connaît pas, on discute de Kuckelberg. Madame attend son tram, elle entend la conversation. Et, voilà. Je suis de Berkem et je peux vous confirmer. Ouais. Ouais, c'est terrible. On ferme les yeux sur beaucoup de choses. Vous demandez quelque chose, on donne aux autres. Il faut gérer, hein. Quand on est bourgmestre, il faut gérer, il faut assumer. Hein. On assume ses responsabilités. Oui, moi j'en ai marre, je suis un peu saturée. Il y a de l'illégalité, il y a mon propriétaire, il loue des appartements, il est marchand de sommeil, il encaisse les loyers. Je vis dans la misère, je suis malade, j'ai des problèmes de cœur, je suis cardiaque. Ah, c'est mon fils aime, il ne fait rien. Toi, la terrasse qui s'écroule, le WC qui n'était pas tenu. Vous avez demandé de l'aide à la commune ? Oui. Et ça ne fonctionne pas ? Qui bouge. Parce que ce monsieur, ce propriétaire, a beaucoup d'argent, beaucoup de maisons. Alors lui, il a beaucoup de droits. Et moi, quand on est locataire, je n'ai pas de droits. Voilà. Et je trouve ça dégoûtant parce que je paye tous les mois mon loyer. La porte de rue se ferme pratiquement jamais. Je vis dans la peur et dans l'angoisse. Donc voilà. C'est votre âme ? Oui, c'est mon âme. Allez-y. Hein. Je vous souhaite. Merci à madame. Très bonne rien. Merci. Merci. C'est comme ça. Vous voyez, il y a des réalités. On n'est pas tous, on n'est pas tous à la même enseigne. Mais du coup, c'est pour ça que c'est intéressant. Non, je trouve que c'est dommage d'entendre des choses comme ça répétées pour plein de problèmes, parce que le niveau communal, c'est quand même le niveau de base qui doit être proche des gens, quoi. Ce sont les riverains, ce sont les problèmes des riverains. C'est très local, c'est tout petit, la commune, a priori, à Kuckelberg, en plus, très petit par rapport aux autres. Donc, voilà, si on n'a même pas d'écoute et de résultats en interpellant les élus communaux, bah alors effectivement... Mais c'est dingue, en tout cas, on est là, hein. On parle et c'est dingue qui a envie de réagir, c'est fou, quoi. Bah, qu'on va se battre jusqu'au bout, de toute façon, on va tout faire pour empêcher totalement l'abattage des arbres. Voilà, c'est la seule solution qui est admissible, sachant qu'on peut trouver une solution en cherchant une solution qui puisse préserver les arbres. Donc voilà, on peut améliorer sans détruire. Quitte à venir le jour de l'abattage tout nu, vous accrocher à l'arbre. Non, mais il y a moyen de combattre en rigolant, hein. C'est vrai, vous voyez ce que je veux dire. Avec de l'humour, hein, on n'est pas obligé. Voilà, bon, ben, on pourrait terminer là-dessus. Mais donc, vous bougez pour les arbres et vous pourriez vous bouger pour les humains, pourquoi, par exemple, aussi ? Pour les gens qui, effectivement, sont à la rue, les sans domicile fixe, qui, voilà, dans une société où on est richissime par rapport à des tas d'autres pays, il est totalement inadmissible de voir, effectivement, des gens qui sont laissés à l'abandon. Voilà, donc... Alors, il y a des institutions qui fonctionnent. Il y a, comment ça s'appelle déjà le... Douche Flux. Douche Flux, qui est un truc extraordinaire, qui est vraiment été monté et qui voilà fonctionne, mais voilà pour un Douche Flux, il en faudrait un tas d'autres quoi. Donc voilà, il y a des petites choses qui se font petit à petit, mais il faut augmenter la chose et puis essayer de trouver une solution. Il y a forcément pour ces SDF, ils ont tous une vie, ils ont tous un acquis, ils ont tous un savoir. Quel qu'il soit, et on peut très bien optimiser et leur proposer quelque chose qui leur corresponde parfaitement et dans lequel ils vont exceller. Donc voilà, il faut chercher. J'adore parce que chaque fois que je demande un truc précis et on est parti dans les concepts et les machins et les bazars, je me dis oulala. Bah oui, parce que on a pris... mais ça existe quoi, oui. Mais moi, ma question c'était, donc vous êtes prêt à vous bouger pour les personnes qui vivent dehors, quoi. Oui, entre autres. Vous pourriez vous bouger aussi, parce qu'on parle des arbres, la nature, très bien, mais il y a les humains aussi, vous voyez. Et vous, un exemple. Et puis on pourrait terminer là-dessus, parce que comme ça, je sais pas. Moi, j'aime bien aussi ramener, parce qu'on est dans une époque comme ça, où c'est la nature, vous voyez, c'est... Bah oui, mais c'est primordial, donc... Oui, mais on est devenu... Tout le reste n'a aucune importance. Oui, mais ça fait combien de temps que vous pensez ça ? Quelques années, ça fait depuis tout le temps. Oui, pratiquement, oui. Ouais. Parce que ça n'a pas toujours été comme ça. Dans la nature, et j'ai appris à apprécier la nature, les animaux, les plantes, etc. Et voilà, moi, je suis un passionné de ça, et donc c'est inhérent à ma personne. Est-ce que vous comprenez ce que je suis occupé à dire ? Ça veut dire qu'on est un peu à l'ère de la nature, l'ère de l'écologie, l'ère... Attention, maintenant, on parle de ça, c'est vraiment mis devant. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu la mode. Et du coup, moi, c'est ce que quand je dis vous bougez pour les arbres, moi, ça me touche, parce que voilà, c'est profond en moi, la nature, enfin, un truc comme ça. Mais en même temps, j'imagine que vous n'êtes pas seulement prêt à bouger pour sauver des arbres, quoi. Non, bien sûr. Dans l'implication citoyenne dont je parlais, il faut effectivement s'impliquer dans tout ce qui nous semble ne pas aller. Voilà. Et ça peut être au niveau social, économique, préservation de la nature, enfin, sportif, que sais-je, artistique, etc. Il faut se battre en permanence pour améliorer les choses. Parce que, voilà, on n'est pas dans quelque chose d'absolument idéal. Hein. Donc, on est encore une fois extrêmement privilégié par des tas de, par rapport à des tas de pays dans le monde qui sont dans un état extrêmement difficile. Ah, ben ça, moi, je vous... Parce qu'on n'y est pas, là. On n'y est pas dans ces pays-là. Il faut aller voir et il faut aller visiter. Si votre retour, il est uniquement ce que racontent les médias. Je suis réalisateur de films et je me suis baladé pas mal dans le monde aussi. Il y a combien de temps ? Il y a des années. Voilà. Mais moi, j'aimais bien les arbres pour les ramener aux gens avec le climat, la chaleur, les canicules. Ça va devenir vital, quoi. Vous voyez, on ramène les choses à du concret. Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui, vraiment ? Oui. Allez-y, hein. Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui, mais... Non, pas plus que ça. Pas plus que ça, mais je sais pas. Bah parce que c'est la défense des arbres, oui. Très bien. Alors, c'est la tendance aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi. On parle des arbres, de la nature, on potage un petit bout de... Vous voyez, le moindre, on parle de ça, c'est vraiment mis en avant, quoi. Ben, on essaie de rééduquer les gens, effectivement. Qui le « on » ? Ben, les gens qui se battent pour différentes causes comme ça éduquent, mine de rien, des jeunes, des personnes qui découvrent ça sur des réseaux sociaux, etc. Et c'est, encore une fois, vital. Je veux dire, tout le reste n'a aucune importance. Si la nature périclite, nous aussi. Donc, voilà, tout le reste est totalement inintéressant. Enfin, inintéressant, relativement, on va dire. Hein. Voilà, mais c'est la chose fondamentale, c'est de préserver la nature, parce qu'on se préserve, nous. Mais comment ça se fait alors qu'on en est là aujourd'hui, avec si peu de nature, à être loin de la nature? Vous voyez, c'est ça que je veux dire aujourd'hui. Bah, on réalise qu'en fait, enfin, oui, c'est vrai, on a besoin de la nature. Mais si on regarde derrière nous, je veux dire, on n'a pas arrêté de la battre, de la détruire, de ne pas en avoir besoin, de la dominer. Voilà, mais c'est ça que je veux dire. Toute l'économie du monde est basée sur le profit. Donc, effectivement, tant qu'on aura cette notion en tête marquée au fer rouge, effectivement, on dévalorisera tout le reste. Et tout est axé sur le profit. Donc, au nom du profit, eh bien, on peut effectivement causer beaucoup de dommages à tous les niveaux. Mot de la fin, les amis ? J'aimerais que ça marque aussi un peu plus de solidarité entre les riverains et se préoccuper non seulement de notre environnement, mais de nos voisins aussi. Voilà, c'est une petite leçon par rapport à ce que la dame disait là tout de suite, de se dire que si elle n'a pas d'interlocuteur au niveau de la commune où elle habite, c'est un peu triste quand même, et qu'elle aurait le droit d'avoir aussi une écoute et de l'aide quelque part, malgré tout. Voilà. Merci Geneviève. C'est toi le lien, hein. Pierre, merci. Merci à vous.